Je peux continuer à circuler en feu de croisement. Réponse A. Je dois passer en feu de route. Réponse B.